laisser les traces sur mes masses. Sur toi ce matin, je te suis sur des promesses du divin et du bonheur. Tu es tombé mon poussin. Je t'assure que la phase et l'extase me font cas. Il est tombé le coussin. Je me rassure sans tes faits, sans tes seins, sans mes mains. Je te Toxic avait raccroché, après Virus STN, décidant qu'il n'y avait plus rien à gerber sauf de la bile au goût trop connu, fadasse et usée par le temps et le copiage. Tout a recommencé dans la cave du 18, ça devait pas se passer comme ça, mais comme le hasard n'existe pas et que Diapsikir ne se tue pas. Après des mois enfermés, Damien et Pascal ont compris qu'ils devaient tout cracher, slasher et le nommer. Guitare, virgule, voix, virgule, basse, virgule, synthé, virgule, cordes et batterie, deux points, Damien. Basse, programmation, voix, synthé, deux points, Pascal, entre la cave du 18 et Montreuil. Ils s'occupent de tout, sans besoin de personne, mais quand même ont participé. 1 sur Omega Low, 2 points, John Battery, Goy et les autres de Pattaya. 2 sur Pest, 2 points, Battery, point d'interrogation et John, trompette, Foira, voix, Diaz. 3 sur Anti, 2 points, Stephen, voix, violoncelle, Lito, Battery, point d'interrogation. 4 sur Ennui, 2 points, Battery, John, voix, Diaz, sobriété absolue, absolue, juste quelques bolets d'eau ritualisés. 5 sur Avant, 2 points, voix, Stephen, Sam. 6 sur Fais-le, 2 points, John, Battery, trompette, Foira. 7 sur Seul, 2 points, Battery, Big, piano, Alex, voix, Stephen. 8 sur Kamikaze, 2 points, synthé, Alex. 9A.M.A.C.C.2. Patrick John, voix jazz et bien sûr les skits et les interludes. Première fois dans un vrai grand studio, poussé par Adrien qui se doutait pas qu'il avait mis le pied dans des sables mouvants des plus acides. Beaucoup de drogue fumée, sniffée, injectée, avalée, et énormément d'alcool, sauf pour Adrien après quelques bad trips. Ça a pris beaucoup de temps, trop d'ailleurs. Énervement, frustration, dégoût, motivation, abandon, 3 points de suspension. Ils ont attendu les autres, beaucoup. Il a fallu expliquer à des yeux écarquillés, malheureusement pas maquillés, que des mâles là-dedans. La sueur, des anecdotes de cul tarifées, forcées ou tièdes à souhait. Un premier jet, puis un autre. Ils voulaient absolument s'éloigner un maximum de leur base métallique étouffante et stérile. Le diable est partout, moins là où on le peint que dans les yeux où on l'ignore et où on le craint, entre parenthèses très mal vu. Rats des villes qui s'inoculent leur propre peste. ANTI écarte ses cuisses larges au poil collé, puis t'arrache la gorge, un sourire scotché, les pupilles dilatées. Vous n'existez pas, c'est entre eux et lui. Toujours plus bas, vers et pour qui. Allez, fais-le. Allez, fais-le. Allez, fais-le. Dimanche 11 juillet 2010, à quelques minutes et loin du bruit, d'une finale de Coupe du Monde de foot perdue par l'Argentine.